AXA, premier assureur des pros. Tu sais ce que c'est un Covido ? Pas moi non plus. Mais ma sœur, elle a un salon d'esthétique et c'est plus technique qu'on croit. Soutenir sa sœur, pour Jordan, ça coule de source. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend. Nos conseillers accompagnent les pros en moyenne pendant 13 ans. AXA, plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr, étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Prolétaires de tous les pays, caressez-vous. Ah, qu'ils sont beaux, les slogans portés par le phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, quand les luttes homosexuelles entrent en politique. Nous sommes tous un fléau social. À bas les phallocrates, à bas la virilité fasciste, ou un autre célèbre, notre trou du cul est révolutionnaire. Des slogans qui, dans les années 1970, contrastent avec les réponses des passants, au même moment, hein, à un micro-trottoir. Il y a deux sortes d'homosexuels. Il y a d'abord ceux qui sont malades, puis ceux qui font ça pour de l'argent, alors c'est déjà deux choses différentes. Il y a 70 ans que je suis dans le quartier que je suis là, oui. Ça m'a infecté. En même temps, il y avait un quartier qui était propre, il est pourri. Et qu'est-ce qu'ils vous ont fait ? Ils l'ont pourri. Comment jugez-vous les hommes qui aiment les hommes ? Qu'est-ce que vous voulez ? C'est pas normal, c'est un vice, quoi. Paraît-il que dans ma maison, il y en a. Ça vous gêne ? Je ne sais pas si c'est vrai. Je me pose la question si c'est exact. Je les côtoie, ils sont charmants. Ah. On peut parler aussi bien des putains aux femmes comme des putains hommes. Vous pensez que tous les PD sont des putains ? Se prostituent ? Pourquoi ils le feraient alors ? Pour gagner de l'argent, c'est être putain. Pour l'amour ? Vous savez, l'amour à un homme, hein ? Vous ne croyez pas ? Je ne crois pas. Je pense que les femmes, ça me plaît pas du tout. Les hommes, ça me plaît pas du tout. Je préfère les femmes, oui. Il y a un petit lapsus là quand même, monsieur, dans votre réponse. C'était en 1979, ce micro-trottoir. Bonjour Antoine Didier. Bonjour. Dans les réponses faites par ces gens interrogés dans la rue, il y a une association, nous sommes en 1979, entre homosexualité et prostitution. C'est quelque chose de courant ça dans l'histoire ? Oui, c'est vrai qu'on la retrouve beaucoup dans la répression sociale et légale de l'homosexualité tout au long du 19e siècle, du 20e siècle. Cette idée, oui, que l'homosexualité serait liée à la prostitution, que l'homosexualité conduirait à la prostitution, voire que les jeunes hommes seraient conduits à l'homosexualité par la prostitution. En tout cas, c'est l'idée que l'homosexualité ne peut pas être une sexualité, une orientation sexuelle ou une identité, selon la manière dont on l'appelle, à part entière. Mais c'est un vice, un fléau social, hein, comme l'avait décrété un texte de 1960, au même titre que la prostitution en l'occurrence. Lecture sociale, condamnation sociale par certains, vous avez utilisé ce mot de répression. Que dit la loi ? Alors, la loi sur un temps long, à partir de quel moment déjà le législateur s'intéresse à cette question de sexualité au-delà de la morale, voire de la religion ? Alors, en ce qui concerne l'homosexualité, il y a deux types de répression légales. La condamnation en tant que telle, en tout cas l'apparition dans le code pénal en tant que telle de la répression de l'homosexualité, elle date de 1942, hein, sous le régime de Vichy, avec l'introduction d'un âge du consentement différent pour les relations homosexuelles. En 1942, tout individu est présumé capable de donner son consentement à une relation hétérosexuelle à l'âge de 13 ans, mais cet âge du consentement est ramené à 21 ans pour une relation homosexuelle. Et donc toute relation qui implique un partenaire de moins de 21 ans, toute relation homosexuelle qui implique un partenaire de moins de 21 ans tombe sous le coup de la loi. Il y a cette idée de protéger la jeunesse de l'homosexualité. Mais par ailleurs, en fait, ce qu'on sait, c'est que la justice, les juges et la police également n'ont pas attendu ce texte de 1942 qui a été maintenu hein, par ailleurs en 1945 et que, par exemple, sur le 19e siècle qu'on connaît bien, les juges ont toujours trouvé des moyens de réprimer l'homosexualité, notamment par l'utilisation de l'outrage public à la pudeur qui a fait son apparition dans le nouveau code pénal napoléonien. Et les juges ont toujours fait aussi une interprétation très extensive de la publicité, du caractère public de cet outrage. Marcela Yacoub l'avait montré au-delà de l'homosexualité dans un très beau livre il y a quelques années. Et par exemple, même une relation homosexuelle qui a lieu dans un espace privé, fermé, peut être condamnée par la justice pour outrage public à la pudeur. Et puis par ailleurs, la police arrête, contrôle, rafle, retient au poste pendant quelques heures des homosexuels au 19e et au 20e siècle. C'est-à-dire qu'il va toujours y avoir quelque chose dans un texte de loi, et particulièrement l'outrage à la pudeur, pour la répression et une forme de harcèlement constant. Exactement, puisque la répression, il faut pas, on se tromperait à considérer la répression seulement d'un point de vue judiciaire, seulement au nom des condamnations, parce que par exemple, si on interroge des personnes qui, des homosexuels, qui ont vécu dans les années 1950-1960 ou même avant, mais ceux-là sont encore le plus souvent vivants, ils expliquent que par exemple, les descentes de police dans les bars, dans les boîtes de nuit, étaient extrêmement fréquentes, sinon quotidiennes, en tout cas faisaient partie de la vie quotidienne des homosexuels, et que ces personnes étaient emmenées, retenues pendant plusieurs heures au poste de police, sans nécessairement être poursuivies et condamnées ensuite par la justice, mais en tout cas étaient retenues, étaient menacées, on les menaçait de prévenir leurs employeurs, de prévenir leur famille, de prévenir leurs parents. On a des exemples, hein, moi je l'avais montré par exemple à Lyon, un jeune homme qui s'est suicidé à la suite de son arrestation, il a été retenu plusieurs heures au poste de police, et puis la police a prévenu son employeur, et le lendemain, ce jeune homme s'est suicidé. J'ai dit aussi homosexuel, c'est davantage l'homosexualité masculine que l'homosexualité féminine, hein, qui est visée par cette harcèlement policier. Oui, parce que ici, il y a toute une lecture autre à faire que simplement le texte de loi, une lecture entre les genres, une lecture sociale également. Au même moment là, Antoine Idier, quand il y a ce harcèlement, cette répression, la télévision présente des figures homosexuelles qui amusent. Il y a aussi une présence de la figure homosexuelle, mais complètement, j'ai envie de dire, normée selon la lecture de ceux qui acceptent de recevoir cette image-là. Et même, de manière plus générale, on peut dire que l'histoire de l'homosexualité, c'est en parallèle une histoire de la répression, une histoire de la stigmatisation, et en même temps une présence de l'homosexualité, que ce soit, hein, comme vous l'aviez dit, de manière homophobe, on pourrait dire par des clichés, par une stigmatisation, mais aussi par des discours qui veulent échapper à cette homophobie. Hein. Dans les années 1950, il y a à la fois cette très forte répression de l'homosexualité, mais il y a aussi un mouvement homosexuel, Arcadie, qui publie une revue, qui a un club à Paris, qui organise des activités. Il y a aussi une présence de l'homosexualité dans la littérature. On peut penser à Jean Genet, par exemple, à Roger Perfit, plus tard à Violette Le Duc. Évidemment, ils eurent à affronter la censure, des résistances, etc., etc. Mais en même temps, voilà, il y a cette forme de paradoxe qui constitue l'histoire de l'homosexualité. Et quand bien même il y a eu une répression de l'homosexualité, des homosexuels, des lesbiennes ont vécu, parfois relativement librement, on est parfois presque surpris même de la possibilité que ces couples aient pu exister de ces manières-là. Et donc cette forme de dialectique caractérise l'histoire de l'homosexualité, je parlais des années 50, mais même au début du XXe siècle et même éventuellement avant. Et les témoignages, effectivement, sont très intéressants pour analyser toute cette période des années 1950-1960 avec une lecture sociale à faire de la prise en compte de l'homosexualité. Laissons la parole à Geneviève Pastre. Pastre, alors, poétesse évidemment, écrivaine et figure du monde gay et lesbien. Et les gens sont frileux, ils se resserrent au lieu d'aimer justement le risque, d'aimer l'aventure, d'aller au bout du ponton, de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Il y a l'aventure là-bas. Mm-hmm. Et cette aventure, moi je trouve que les hétéros ne sont pas assez curieux de notre sexualité, de la sexualité des femmes. Et les hommes le sont souvent, malheureusement, mais en voyeur. Mm-hmm. Alors cela dit, on y reviendra peut-être si on a un petit peu de temps, il n'y a pas que des homosexuels ou des hétérosexuels. Il y a aussi une sexualité qui se vit depuis toujours, qui est bisexuelle. C'est-à-dire on va voir d'un côté, on va voir de l'autre, on vit ça et puis d'autre fois ça. Non, ça Non, je... C'est enfin, pas l'aventure Ça peut être l'aventure. Je ne veux pas la nier. La seule chose, je ne veux pas la nier, et c'est certainement tout à fait vivable pour les gens qui le vivent. La seule chose qui m'irrite un petit peu dans ce genre de propos, c'est que pour beaucoup, sans doute pas pour vous, mais pour beaucoup, c'est une façon de nier le choix définitif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une façon de dire, oh, ben, il y a la bisexualité, ne nous faites pas d'histoire avec votre lesbianisme et avec votre homosexualité, parce qu'après tout le monde a touché à tout, si j'ose dire. Et en fait, ce que les gens ne veulent pas admettre, c'est que à un moment donné, le désir de la femme ou la volupté avec la femme peut combler complètement le champ du désir et de la vie. Ben oui, ça peut combler complètement le champ du désir et de la vie, disait Geneviève Pastre en 1990. Antoine Idier, y a-t-il une différence de traitement des lesbiennes et des gays, des hommes et des femmes sur cette longue période de répression? Ben, il y a de multiples différences. La domination masculine se reproduit aussi, hein, dans l'histoire de l'homosexualité. On peut voir déjà le fait que l'homosexualité féminine a beaucoup moins préoccupé la répression sociale et la répression légale. Et que les différentes formes de répression, de stigmatisation ont d'abord visé avant tout l'homosexualité masculine. Par ailleurs, les femmes ont longtemps été confinées à la sphère du privé, à la sphère domestique, et donc on manque aussi de sources, parfois de traces, pour retracer cette histoire de l'homosexualité féminine, quand bien même elle commence à être connue, même si par ailleurs on observe aussi, par exemple, je sais pas, dès le début du XXe siècle, des écrivaines lesbiennes, des revendications lesbiennes, des cultures lesbiennes qui fleurissent et qui sont extrêmement florissantes. Enfin, on peut aussi ajouter que au sein même des mouvements homosexuels, des mouvements LGBTQI+, comme on dit aujourd'hui, des tensions ont pu voir le jour, à la fois des alliances entre homosexualité masculine, homosexualité féminine, et puis aussi des tensions sur la reproduction de cette domination masculine à l'intérieur des mouvements. Par exemple, au tout début des années 70, au moment où est apparu le phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, fondé par des femmes, très vite, les femmes quittent, une grande partie des femmes, des lesbiennes, quittent le phare, contestant une reproduction de la supériorité masculine, le fait que les femmes n'ont pas la parole, le fait même que la libération homosexuelle est avant tout pensée depuis le point de vue masculin et pas depuis le point de vue féminin ou lesbien. Et un certain nombre de ces militantes fondent à la suite de ça les Gouines Rouges pour créer un mouvement autonome. Et dans cette histoire-là, vous nous le dites bien, il y a une attention particulière portée par les autorités sur l'homosexualité masculine, avec, pour s'appuyer sur des textes de loi, donc alors l'outrage à la pudeur, donc ça c'est facile, c'est applicable à tout le monde. Et puis, un vrai texte qui pose problème, c'est celui de 1942, celui qui joue sur la majorité avec des micro-scandales qui surgissent dans les actualités. Je pense à Charles Trenet, accusé de pédophilie, et il faut replacer ça dans son contexte avec un vrai questionnement sur les limites d'âge alors imposées. Qu'est-ce qui s'était passé? Alors j'ai plus l'affaire exacte traîner en tête, je dois vous l'avouer, mais effectivement il avait un partenaire qui il me semble devait avoir 18-19 ans ou quelque chose comme ça, sous réserve que je dise pas de bêtises, mais qui du point de vue de la loi de l'époque était mineur, déjà mineur civilement, mais était considéré comme entre guillemets mineur sexuellement, c'est-à-dire qu'il n'était pas en capacité de donner son consentement sexuel. Alors que si Charles Trenet avait eu la même relation avec une jeune femme, il n'y aurait eu aucun problème, puisque la jeune femme était présumée consentante. La majorité alors, entre guillemets majorité sexuelle, était alors de 15 ans, elle a été ramenée à 15 ans par la suite. Cette discrimination pénale, je disais qu'elle a été introduite en 1942 par le régime de Vichy, elle a été maintenue volontairement en 1945, et elle n'a été abrogée qu'en 1982, à la suite de l'élection de François Mitterrand. Répression de l'homosexualité se fonde particulièrement sur cette idée de la vulnérabilité de la jeunesse, qu'il faudrait protéger d'une forme de contagion homosexuel. Le mot contagion est le mot qu'on trouve dans des rapports, dans des textes de loi. C'est par exemple le même esprit qui fait largement utiliser la loi relative aux publications liées à la jeunesse, la loi de 1949, qui permet par exemple d'interdire à la vente, à l'affichage public des revues homosexuelles. Arcadie par exemple en a été victime, la revue Arcadie, dans les années 1950. Là encore, avec cette idée que la jeunesse est vulnérable face à l'homosexualité, donc il faut tenir les homosexuels à l'écart de la jeunesse. Oui, parce que tenir à l'écart, un peu une sorte de quarantaine, la contagion, ce vocabulaire utilisé, nous amène au monde médical, au discours médical porté sur l'homosexualité qui argumente, justifie, légitimise la répression par les autorités. Et notamment aussi un discours psychique, psychologique, psychiatrique de l'homosexualité comme des malades, comme des pervers. C'est pas pour rien, par exemple, que le Phare, en 1973, édite une revue qui s'appelle 3 milliards de pervers. C'est en retournant ce vocabulaire de la perversion. La majorité des psychiatres, des psychanalystes utilisent couramment ce vocabulaire dans les années 1950-1960, parfois encore aujourd'hui. Des homosexuels ont donné des témoignages de la manière dont leurs parents, par exemple, les ont emmenés chez des psychiatres pour les soigner, pour les guérir. Une de ces figures tristement célèbres, c'est par exemple Marcel Eck, un psychiatre qui publie des livres dans les années 1950-1960, qui est invité sur les plateaux de télévision, à la radio, etc., etc. Et ce vocabulaire de la maladie est extrêmement banalisé, extrêmement vulgarisé. On peut même, alors c'est des travaux embryonnaires, mais il y a eu des recherches qui ont été menées même sur des cas de lobotomie. On se rappelle du roman d'Yves Navarre, Le Jardin d'acclimatation, pris Goncourt 1980, qui est le récit d'une lobotomie subie par un jeune homosexuel, demandée par ses parents. Ces lobotomies, apparemment, il y a une recherche qui a été faite, quelques cas peuvent être trouvés dans les archives. Donc là, on est même au-delà de vouloir soigner par la psychanalyse ou par les sciences psychiques, mais on est pour corriger par une intervention dans le corps et en l'occurrence dans le cerveau. Avec de la répression, du harcèlement et tout ce que nous venons d'évoquer autour d'un discours médical pervers et qui attaque le corps, ce qui est très important, vous avez, Antoine Hidier, évoqué la revue Arcadie, enfin quelques mouvements qui se mettent en place dès les années 1950. À quel moment voit-on les luttes prendre forme avant que soit créé le FAR, le Fonds homosexuel d'action révolutionnaire? Là, on est dans les années 1970. Est-ce que les années 60, c'est un moment où les luttes arrivent à se construire? Les années 1950-1960 sont très importantes, effectivement, pour ce mouvement Arcadie. C'est un mouvement homophile, et des mouvements similaires s'observent dans d'autres pays d'Europe, en Angleterre ou aux États-Unis. Alors le terme lutte au sens strict est peut-être pas approprié pour Arcadie, parce que c'est un mouvement peut-être avant tout culturel, dirait-on. C'est une revue mensuelle, ce qui est pas rien quand même, publier une revue tous les mois sur l'homosexualité. C'est des correspondances entre ses membres, c'est un club à Paris. L'idée avant tout est de créer une sorte de communauté, de créer des liens entre des homosexuels plutôt hommes isolés et de les rassembler. Même si le fondateur d'Arcadie, André Baudry, tente de faire du lobbying politique, de s'adresser à des députés, à des magistrats, la vocation première d'Arcadie est avant tout sociale et culturelle. Il n'y a pas de mouvement politique dans les années 60. Il faut attendre mai 68, dans ce grand moment de politisation, pour que la question homosexuelle tente d'être politisée. Je dis tente parce que lors de l'occupation de la Sorbonne, au printemps 68, se crée un éphémère comité d'action pédérastique révolutionnaire, le CAPR, et ces affiches sont aussitôt, enfin des affiches sont placardées dans la Sorbonne, et les affiches sont aussitôt arrachées par des militants gauchistes. Et le gauchisme, la gauche marxiste, la gauche dans son ensemble, est particulièrement homophobe comme le reste de la société à l'époque, et il faut attendre un effet décalé, 1971, pour l'apparition du Front homosexuel d'action révolutionnaire. Ce décalage a été le même pour le mouvement de libération des femmes. Les tentatives de naissance d'un mouvement féministe en 1968 se heurtent à des résistances fortes. Et voilà, c'est seulement en 1970 que le MLF, le mouvement de libération des femmes, arrive vraiment à éclore. Et en 1971, le Front homosexuel d'action révolutionnaire fait paraître un rapport contre la normalité, une adresse à ceux qui se croient normaux. Vous ne vous sentez pas oppresseur. Vous baisez comme tout le monde. Ce n'est pas votre faute s'il y a des malades ou des criminels. Votre société nous a traités comme un fléau social pour l'État, l'objet de mépris pour les hommes véritables, sujet d'effroi pour les mères de famille. Les mêmes mots qui servent à nous désigner sont vos pires insultes. Avez-vous jamais pensé à ce que nous ressentons quand vous mettez à la suite ces mots ? Salaud. Ordure, tapette, pédé. Quand vous dites à une fille, sale gouine. Vous protégez vos filles et vos fils de notre présence comme si nous étions des pestiférés. Vous êtes individuellement responsables de l'ignoble mutilation que vous nous avez fait subir en nous reprochant notre désir. Nous sommes avec les femmes. Le tapis moral sur lequel vous essuyez votre conscience. Nous disons ici que nous en avons assez, que vous ne nous casserez plus la gueule parce que nous nous défendrons, que nous pourchasserons votre racisme jusque dans le langage. Nous disons plus, nous ne nous contenterons pas de nous défendre, nous allons attaquer. Le rapport contre la normalité, le manifeste du Front homosexuel d'action révolutionnaire, lu par Alexandre Manzanares dans Le cours de l'histoire. Alexandre qui réalise cette émission, Le cours de l'histoire, avec aujourd'hui la technique Jérémy Kaufmann. Et pour nous parler de ces luttes homosexuelles, quand ces luttes deviennent politiques, Mathias Quéré, bonjour. Bonjour. En 1971 est né le FAR. Antoine Idi nous a bien dit que cette naissance est un mouvement porté par les femmes dans un premier temps. Dans quel contexte des luttes homosexuelles naît le FAR? Alors, une des choses qui m'a paru particulièrement intéressante, c'est que les militants du FAR vont se positionner vraiment dans une perspective révolutionnaire, où ils vont remettre en cause un petit peu tout ce qui a pu arriver avant eux, avant elles, même en disant qu'il n'y avait rien avant eux, avant elles, et donc ils sont dans une perspective de devoir tout inventer. Mais est-ce que les différentes recherches qui ont été menées dernièrement ont montré, c'est que les militants, enfin une partie des militants du FAR sont par exemple issus d'Arcadie, et donc il y a ce processus de radicalisation avec le début des années 70, avec ces années 68, et qui vont donc lancer ce mouvement d'expérimentation politique et sociale. Avec ici, bah c'est bien de repartir en arrière et de comprendre comment du mouvement Arcadie, il y a une radicalisation qui conduit à un fond d'action révolutionnaire. Le mot révolutionnaire est important. Faut dire que dans les luttes, les gens ne sont pas dans une ligne simple. Ce n'est pas uniquement des luttes homosexuelles. Les hommes, les femmes qui s'engagent sont également engagés dans l'ensemble de la société. Donc ce mouvement révolutionnaire homosexuel est en regard avec d'autres mouvements révolutionnaires du même moment. Tout à fait. On peut dire que le mouvement homosexuel fait partie de ce moment, ce qu'on peut appeler les mouvements du sujet minoritaire, qui donc, ce mouvement des années 70, où se développe un certain nombre de luttes dans tous les sens. Alors effectivement, nous avons parlé du mouvement féministe, qui est particulièrement fort, mais aussi c'est le développement du mouvement écologiste, du mouvement antimilitariste, voilà, qui des mouvements dans énormément de formes de pans de la société, pardon. Et une des choses qui est aussi particulièrement intéressante, c'est que une partie de ces militants, de ces militantes, viennent des organisations de gauche et d'extrême gauche, desquelles soit elles se sont fait exclure pour certaines, soit dont elles sont parties parce qu'elles ne trouvaient plus leur place, et du coup elles essayent d'associer au sein d'un militantisme homosexuel propre, spécifique, des questions politiques qu'elles sont venues chercher de l'extérieur. Mathias Quéré, vous êtes docteur en histoire contemporaine. Votre thèse, sous la direction de Sylvie Chaperon, a été soutenue à l'Université de Toulouse et vous avez publié, attention parce que vous êtes en lice pour le meilleur titre d'ouvrage d'histoire, « Qui sème le vent récolte la tapette », une histoire des groupes de libération homosexuelle en France de 1974 à 1979. Nous venons de dire que 1971, c'est la naissance du FAR, ce Front homosexuel d'action révolutionnaire. Pourquoi avoir choisi 1974 comme limite première de votre étude? Alors, 1974, parce que 1974, c'est l'année de naissance du premier GLH, le groupe de libération homosexuelle qui se fonde dans la capitale, et qui lui aussi est assez intéressant dans sa fondation, parce qu'en fait, il regroupe une partie de gens qui viennent d'Arcadie, et de l'autre côté, une partie des rescapés du FAR. Alors pourquoi les GLH et pourquoi 1974? C'est parce que dans ma recherche, j'ai considéré comme, en fait, avec les GLH, le mouvement homosexuel français va se développer sur l'ensemble du territoire français, ce qui n'était pas tout à fait le cas ni d'Arcadie, même s'il y avait des correspondants un petit peu en région, et le FARS, il y a eu quelques expérimentations, quoique éphémères aussi en région, mais avec les GLH, il va vraiment y avoir un mouvement d'expansion de ces groupes politiques sur l'ensemble du territoire. Et pour vous donner un exemple, en 1977, par exemple, on se retrouve avec une trentaine de GLH sur le territoire français, donc dans des grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, mais aussi dans des villes beaucoup plus petites, beaucoup plus restreintes, comme Brest, Tours, Caen, Mulhouse. Et moi, je peux rajouter une ville, Mathias Quéré, c'est Amiens, en 1978. Pourquoi avoir constitué le GLH? C'est une réponse à toutes ces formes de répression? Disons qu'il y a plusieurs tâches, en fait. Il y a d'abord la possibilité d'abord de faire du GLH un lieu d'accueil pour tous les gens qui vivent l'homosexualité comme un problème strictement personnel, comme quelque chose d'exceptionnel qui les frappe eux, et leur permettre de comprendre, de se réunir, de discuter pour voir que c'est un problème qui touche beaucoup de gens, et que c'est ensemble seulement qu'on peut sortir du ghetto, qu'on peut sortir de... Enfin, disons, résister à la tolérance, à l'intolérance et à l'oppression qui s'exerce contre nous. D'être un lieu d'accueil. Être un lieu d'accueil, de discussion, de réflexion, de contact, disons. L'autre point, c'est de lutter contre toutes ces formes de répression, c'est-à-dire que quand il y a un problème, soit un cassage de gueule au cirque, soit un licenciement, soit une expulsion d'appartement. C'est alerter l'opinion publique, sensibiliser les gens à toutes ces formes de répression qui n'ont pratiquement pas de justification réelle, si ce n'est dans des lois tout à fait dépassées, ou bien des préjugés, des choses qui n'ont pas de justification réelle. L'essentiel de la difficulté à vivre pour les homosexuels, c'est l'incognito dans lequel ils doivent se tenir. Et oui, l'incognito. En 1978, à Amiens, le groupe de libération homosexuelle se fait remarquer en distribuant des tracts à la sortie de la salle où est projeté le film d'Ettore Scola, Une journée particulière. Antoine Hidier, il y a vraiment de cela dans la lutte, c'est la visibilité. C'est quelque chose de très important et on l'entend dans ce témoignage. Oui, bien sûr, tous les mouvements politiques homosexuels des années 70, en France ou ailleurs, hein, en particulier aux États-Unis, qui est un pays d'inspiration pour les mouvements homosexuels européens, mais c'est aussi le cas en Angleterre, en Allemagne, etc. Il y a cette idée que la lutte politique homosexuelle, c'est avant tout la visibilité, c'est la question du coming out, affirmer sa sexualité, affirmer son homosexualité publiquement. Et c'est aussi la question de la visibilité collective par cette manière de se saisir de l'espace public. Hein, vous parliez, on écoutait tout à l'heure l'archive de la manifestation parisienne. Cette question a très tôt intéressé, préoccupé les militants homosexuels qui très tôt ont fait irruption dans l'espace public. C'est par exemple pour le Front homosexuel d'Action révolutionnaire 1971, en participant avec le MLF à la manifestation du 1er mai. D'ailleurs, en adoptant des comportements qui ont déplu aux militants gauchistes traditionnels, en affichant une exubérance, des banderoles colorées, des gestes efféminés considérés comme provocateurs, etc. Et il y a vraiment cette idée d'être visible pour donner à voir, d'une part, l'existence de l'homosexualité, existence qui est toujours refoulée par la société, qui tente de cacher, de dissimuler, de renvoyer les homosexuels au secret, au placard, comme disent les militants, et puis aussi visibiliser toute la répression, toute la stigmatisation et les multiples formes de stigmatisation que connaissent les homosexuels. Mathias Quéré. Oui, il y a une chose qui me paraît particulièrement intéressante dans cette archive, c'est que, effectivement, si la question de la visibilité, elle est particulièrement importante, c'est que dans le processus de politisation de la construction du mouvement de ces groupes, de ces GLH dans les années 70, c'est que le premier fait important, c'est de sortir de l'anonymat, c'est de se retrouver. Et donc, ces GLH, ils vont d'abord incarner une forme de groupe de parole, où les gens voilà vont pouvoir partager autour de leur vécu, autour de leur solitude, et c'est ensuite dans un second temps qu'on va élaborer une perspective un peu politique pour ensuite dans un troisième temps la sortir dans la rue et l'exprimer publiquement. Lors des manifestations, et pourquoi pas profiter des manifestations qui ont lieu de manière régulière, c'est le cas le 1er mai. La place de la Nation est désormais dégagée. Quelques incidents rapides ont marqué la fin de cette manifestation. Vers 18h45, en effet, alors que la queue du cortège arrivait sur la place de la Nation et que le gros des manifestants s'était déjà dispersé, les forces de l'ordre ont tiré quelques grenades lacrymogènes contre des groupes de jeunes qui s'attardaient sur la place et qui ont presque aussitôt disparu dans les bouches de métro avoisinantes. Les derniers manifestants ont également cassé quelques vitres, celles d'un café, d'une pharmacie et d'un immeuble où étaient installées nos caméras. À l'heure actuelle, donc, les derniers manifestants ont quitté la place de la Nation qui a été entièrement investie par les forces de l'ordre. En 1973, le 1er mai à Paris, Mathias Quéré, dans ces luttes, alors révolutionnaires ou pas seulement révolutionnaires, nous sentons bien qu'il n'y a pas une adéquation entre des mouvements politiques et particulièrement de gauche et les luttes homosexuelles. Il peut y en avoir, mais il n'y en a pas toujours. Antoine Hidier nous disait qu'en mai 1968, les mouvements à la Sorbonne avaient été un peu écartés. C'est encore le cas lors du 1er mai. C'est-à-dire que vouloir imposer sa place dans la société nécessite aussi d'imposer sa place en politique. C'est pas simple, hein. Oui, la question est particulièrement compliqué et difficile. Alors on peut faire une différence entre ce qui serait la gauche et l'extrême gauche. Alors on peut commencer par la gauche. La gauche, on va dire donc le Parti socialiste, le Parti communiste sont vraiment dans un premier temps particulièrement hostiles à la question de l'homosexualité. On peut par exemple rappeler Jacques Duclos, candidat à la présidentielle de 1969, qui va faire une interview dans le Nouvel Observateur où il va dire que l'homosexualité et la drogue n'ont rien à voir avec le mouvement ouvrier. Ou même en 1972, où à la Mutualité, qui alors un moment où le phare vient intervenir, il va dire publiquement devant le phare, il va leur dire « Comment vous, pédérastes, avez-vous le culot de venir nous poser des questions? Allez-vous faire soigner? Les femmes françaises sont saines, le PCF est sain, les hommes sont faits pour aimer les femmes. » Donc on a vraiment comme ça une relation comme particulièrement conflictuelle avec le parti communiste, le parti socialiste aussi, avec cette problématique qu'un certain nombre des militants, des militantes sont issus de ces partis. Et donc, on en soit été exclus, soit en son parti parce qu'elles étaient comme relativement comme dégoûtées de la situation dans laquelle elles étaient. Et donc, elles vont nourrir une forme d'autorépression. C'est-à-dire que va y avoir tout un processus de lutte pour légitimer finalement la lutte homosexuelle parce que, comme dit une certaine gauche, ça serait comme une dégénérescence petite bourgeoise. On va voir une différence cependant avec l'extrême gauche et particulièrement autour de la Ligue communiste révolutionnaire, la LCR, qui va comme prendre à bras le corps cette question de l'homosexualité dès le milieu des années 70, où elle va créer une commission nationale homosexuelle à partir de 1976. Le Parti socialiste, à son tour, va faire évoluer ses positions à partir de 1976, où il va publier son manifeste Liberté, Liberté. Et au fur et à mesure de la décennie, les partis vont devoir faire évoluer progressivement leur position, souvent du fait du rapport de force, finalement, tel que l'avaient fait les féministes, les homosexuels vont le faire avec la gauche et l'extrême gauche. Et oui, en 1967-16, sort ce livre Liberté, Liberté, commenté par Robert Badinter. Le droit au corps, vous l'avez déjà dans notre droit, l'interdiction de tuer autrui, l'interdiction de violer, l'interdiction de porter des coups et blessures, tout cela c'est le droit au corps. Mais si on va au-delà des interdits traditionnels, qu'est-ce que vous découvrez? Vous découvrez qu'il y a plus que la sauvegarde du corps, il y a l'épanouissement du corps. Ça veut dire chez les enfants, le droit au plaisir, le droit au jeu, l'activité ludique. Et puis ensuite, chez l'adolescent, chez l'adulte, c'est le droit au sport. Et quand vous allez au-delà, eh bien, c'est tout naturellement le droit au rapport sexuel, qui est une part de l'épanouissement du corps. Et nous avions à un moment donné évoqué une charte des libertés sexuelles. On n'est pas allé jusque-là, mais on a rappelé les principes qui font que cette liberté est nécessaire. Ça s'arrête évidemment à la liberté d'autrui. Et puis, si vous allez au-delà, vous constatez que trop souvent, nous sommes dans une société dans laquelle certains, parce qu'ils ont un comportement sexuel différent des autres, font l'objet d'ostracisme ou de défense. Et il était temps de proclamer aussi le droit au corps de tous, y compris des homosexuels qui doivent être traités comme les autres. C'est une série de propositions qui s'enchaînent naturellement. Robert Badinter, en 1976. Antoine Didier, vous êtes sociologue, historien, maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Et dans l'histoire que nous racontons, celle des luttes homosexuelles, on sent bien que, en écho à ce que vient de dire Robert Badinter, c'est une histoire de l'évolution de la société, la prise en compte du corps, éventuellement du plaisir, et puis plus globalement des luttes politiques. Mais l'évolution du Parti Socialiste, par exemple, suit l'évolution des préoccupations de la société. Oui, elle suit l'évolution des préoccupations de la société, mais elle suit aussi les rapports de force qui s'installent dans la société. Et précisément, cette archive et ce manifeste du Parti Socialiste et de Robert Badinter, que présente Robert Badinter au nom du Parti Socialiste, est extrêmement intéressant parce que c'est une très rare prise de position du Parti Socialiste dans les années 70 sur l'homosexualité. Le Parti Socialiste est globalement muet à ce sujet à l'époque. Mais ce qui est notable, c'est que, on va dire, dans la seconde moitié des années 70, les mouvements homosexuels, notamment ces groupes de libération homosexuelle dont parlait Mathias, comprennent, si je puis dire, décident de changer de stratégie et décident d'investir la sphère politique au sens politicienne pour faire pression sur les partis politiques et pour accélérer ou même faire débuter la prise en compte des revendications homosexuelles par les partis politiques. C'est par exemple dès 1976-1977 des interrogations sur le fait de présenter des candidats aux élections, des candidats homosexuels. D'abord à Aix-en-Provence, il y a une réflexion à ce sujet au groupe de libération homosexuelle d'Aix, et ensuite à Paris avec deux candidats en 1978 aux élections législatives à Paris. Et quand on regarde les documents d'archives, comment les militants justifient cette stratégie, qui d'ailleurs à l'époque a fait parfois débat, est-ce qu'on veut, se demande-t-il, rentrer dans le champ politique traditionnel, etc. Il y a vraiment cette idée de faire davantage pression, que la visibilité dans la rue ne suffit pas et qu'il faut interpeller les partis politiques traditionnels. Et puis cet activisme s'accélère à la toute fin des années 70, autour de 1979, au moment d'une part où le Parlement est amené à se prononcer sur ces deux articles du Code pénal qui répriment directement ou indirectement l'homosexualité, et puis tout particulièrement à l'approche de l'élection présidentielle de 1981, qui est saisie par les militants homosexuels, par les groupes homosexuels, notamment le CUAR, le Comité d'urgence anti-répression homosexuelle. homosexuel comme un, comme vraiment un moment où il est possible de faire pression sur les partis politiques pour les obliger à se positionner et puis pour obtenir des engagements de leur part en cas d'élection. Mathias Quéré, dans l'histoire des groupes de libération homosexuelle que vous avez étudié, il y a, et ça c'est commun pour tous ces groupes parce qu'ils sont partout en France, ces groupes en région, à Paris, la volonté de sortir de l'isolement. Mais vu qu'ils sont divers, ils peuvent adopter des cheminements différents. Et on l'a bien entendu avec ce que nous disait Antoine Didier, il y a toujours ces deux chemins pour l'action plutôt révolutionnaire ou plutôt alors réformiste pour le dire simplement, mais pour s'engager en politique. Est-ce que ces choix possible divise aussi les luttes homosexuelles. Oui, tout à fait. Il va y avoir un débat finalement autour de ce qu'est l'homosexualité, de ce qu'est l'identité homosexuelle. Et donc, est-ce que l'identité homosexuelle, elle suffit pour être un sujet politique ou est-ce qu'il faut justement lui ajouter d'autres caractéristiques? On se souvient quand même particulièrement que les années 70, c'est un moment où l'extrême gauche est particulièrement fort, où les discours marxistes, trotskistes sont particulièrement forts. Et donc, le mouvement homosexuel, les GLH, vont se disputer, se font dialoguer, vont débattre autour de ces questions et vont créer décisions, vont créer des tendances. Et ce qui va, par exemple, se passer à Paris dès la fin 1975, où on va avoir deux directions, finalement, pour le GLH. Entre un premier GLH, du coup, plutôt issu des courants d'Arcadie, qui, alors peut-être aujourd'hui, ils se font qualifier de réformistes, effectivement, par les révolutionnaires dans les années 70, mais peut-être aujourd'hui, on pourrait plus les considérer comme étant plus communautaires. C'est-à-dire que c'est des groupes, c'est des militants, des militantes, qui veulent vraiment lutter pour les homosexuels, qu'il et qu'elle soit. Alors, au contraire, le mouvement qui se revendique davantage comme révolutionnaire, au contraire, va dire non, toutes les homosexualités ne se ressemblent pas, et particulièrement autour de ces questions, autour des élections législatives de 78 que rappelait Antoine Didier, c'est-à-dire qu'il va y avoir un débat, un questionnement sur eh ben, qu'est-ce qu'un patron PD à avoir avec une lesbienne ouvrière. Et donc, il va y avoir comme ça des débats, des dialogues autour de à qui doit s'adresser le discours politique de l'homosexualité. Et une vraie lecture sociale hein, qu'il faut faire de ces luttes politiques, Antoine Didier. Oui, oui, il y a ce débat. Il y a, par exemple, même dès 1971, au moment du phare, il y a un texte aussi de Guy Hockenheim qui dit dans un texte que le phare, à un moment, est allé distribuer des tracts devant les boîtes de nuit. Puis il dit, voilà, tous ces homosexuels des boîtes de nuit, ces employés de bureau, au fond, je les détestais, mais je pensais important qu'ils soient avec nous et qu'on fasse partie de la même lutte. Et effectivement, il y a cette question, c'est-à-dire dans quelle mesure l'homosexualité est constitutive d'une classe sexuelle en l'occurrence, c'est-à-dire dans quelle mesure des individus sont unis par leur sexualité et notamment par la situation sociale qui est faite à leur sexualité et dans quelle mesure cette appartenance sexuelle transcende ou à un moment dépasse d'autres clivages, en l'occurrence le clivage de classe par exemple. Antoine Didier, vous avez cité à l'instant Guy Hockenheim dont vous avez consacré une étude, enfin à qui vous avez consacré une étude, les vies de Guy Hockenheim, qui est-il ? C'est Guy Hockenheim est un militant gauchiste et puis surtout la figure, une des principales figures du Front homosexuel d'action révolutionnaire, qui publie notamment en 1972 un livre qui s'appelle Le désir homosexuel, qui fait aussi un coming out dans le Nouvel Observateur en janvier 1972, et puis qui sera par la suite journaliste à Libération, ami de Foucault, de Deleuze et membre de la scène intellectuelle parisienne. C'est ce monde-là qui est fascinant, parce que tout cela s'écrit sur une chronologie très fine. Hein. Nous sommes vraiment dans les années 1970, avec ce Front homosexuel d'action révolutionnaire, présenté par Carole Roussopoulos. Nous étions toujours confrontés avec une morale qui n'est pas faite pour nous, puisqu'elle est la morale de la famille bourgeoise hétérosexuelle, dont notre existence est la preuve d'une sorte de contradiction interne. Faut pas insister trop là-dessus aussi, mais quand même, nous ne nous reproduisons pas. Par conséquent, nous ne perpétuons pas les biens de la bourgeoisie. L'héritage avec nous, c'est foutu, il n'y en a plus. Bon, de toute façon, ce que nous reprochent surtout les hétéroflics, c'est évidemment que ce soit eux qui nous ont fait, et qui nous feront encore, et qui nous feront des petits, etc. Cette morale ne nous convient pas. La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas. La société, donc, ne nous convient pas non plus. Par conséquent, la seule position politique possible et une position révolutionnaire. Position révolutionnaire de Carole Roussopoulos en 1971. Carole Roussopoulos, féministe suisse, grande figure du mouvement LGBT+. C'est pas elle qui parle, hein. Elle filme une réunion. Voilà, et c'est ce que j'allais dire. Voilà, dans son film de 1971, Le Phare, Fonds homosexuel d'action révolutionnaire, elle va tendre son micro et sa caméra vers ceux et celles qui portent ce mouvement, un mouvement féminin, on l'a dit, pour la création du Phare, et qui se distingue, Antoine Hidier, avec les Gouin rouges. Est-ce que dans cette lecture des luttes, et on l'évoque bien, toutes ces luttes au pluriel des années 1970, politiques, de libération pour les femmes ou lutte homosexuelle, on voit à l'intérieur des luttes homosexuelles des divergences justement entre les hommes et les femmes. Oui, oui, bien sûr, à la fois des alliances et à la fois des divergences. Je l'ai dit, le Phare a été fondé par des femmes, Françoise Daubonne, Marie Jobonnet, Margaret Stephenson et d'autres. Et puis très vite, ces femmes, ces lesbiennes pour la plupart, pas toutes, estiment que les hommes ont pris le pouvoir ou que la domination masculine a pris le pouvoir. Et ce clivage-là se retrouve dans la décennie qui suit et voire au-delà, c'est-à-dire cette question de comment la domination masculine se retrouve à l'intérieur des mouvements. Ce qui est aussi important sur ce début des années 70, c'est que la place des lesbiennes n'est pas non plus évidente au sein du mouvement de libération des femmes. Et que les lesbiennes ont donné des témoignages de la lesbophobie qu'elles avaient pu subir au sein du MLF. Par exemple, par l'utilisation du mot « gouin » comme une insulte, par des termes péjoratifs, mais aussi par une forme d'effacement, ou en tout cas d'une idée de la femme comme étant une femme seulement hétérosexuelle, avec des lesbiennes qui disent « nous, on s'est battu pour le droit à l'avortement, mais qui en fait ne nous concerne pas tant que ça, et les femmes hétérosexuelles ne pensent pas qu'il y a d'autres manières d'être femme. » Les lesbiennes se retrouvent comme ça entre deux mouvements, le mouvement de libération des femmes, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, et elles fondent au printemps, au début de l'été 1972, les Gouin rouges, qui est un mouvement plutôt éphémère, qui ne dure pas, qui ne donne pas lieu à beaucoup de publications, mais qui est quand même un signal politique très fort, qui témoigne de la volonté des lesbiennes de s'organiser entre elles. Il y avait par exemple des conflits qui avaient éclaté au sujet des différentes publications du Phare. Un numéro du journal Tout en 1971. Plus tard, en 1973, ce sera un numéro de la revue Recherche, 3 milliards de pervers, sur la manière dont l'homosexualité était décrite, à savoir que c'est avant tout l'homosexualité masculine qui est présente, et voir la libération, ce qui est appelé libération homosexuelle, est plutôt pensé comme la possibilité d'avoir une sexualité libre, c'est-à-dire de multiplier les aventures sexuelles, les relations, etc. Et selon les femmes, selon les lesbiennes, c'est avant tout une vision très masculine, là où les rôles sexuels, là où les représentations de la sexualité ne sont pas nécessairement ou suffisamment questionnées d'un point de vue féministe. Et ces clivages ne cessent de se reproduire. Ils doivent pas faire oublier qu'il y a aussi des alliances, c'est-à-dire qu'à des moments, homosexuels, lesbiennes travaillent de concert, manifestent de concert, font des actions politiques ensemble, et puis à d'autres moments, voilà, des scissions, des ruptures, parfois extrêmement violentes aussi, entre les deux branches du mouvement. Qu'en est-il de ces clivages dans les groupes de libération homosexuelle, Mathias Quéré? Alors, les militants des groupes des GLH reconnaissent évidemment que le mouvement féministe les a précédés et même les a inspirés. Ces GLH, ils vont dans leur grande majorité se revendiquer comme étant mixtes, mais en réalité ils ne le sont que très peu. On a différentes cas de figure. On a des groupes où il y a quelques lesbiennes qui participent, mais il faut bien dire que assez rapidement elles sont quand même dégoûtées par la misogynie des groupes et donc vont finir par partir. Et un certain nombre d'entre elles vont en fait créer des groupes lesbiens autonomes et spécifiques à partir des années 70. Et on va avoir le premier groupe de lesbiennes féministes qui va être créé ainsi en 1975 à Paris. Et plus tard, on va avoir des groupes lesbiennes à travers un peu tout le territoire. Pour autant, on a deux autres cas de figure qui sont assez intéressants, qui est d'abord une première tendance parisienne qui est le GLH 14 décembre, qui lui, clairement, se positionne sur des positions antiféministes, qui va d'ailleurs dire que les ouvriers sont leurs meilleurs alliés et alors que les femmes sont leurs pires ennemis, et qui va être une des raisons pour lesquelles le premier GLH unitaire parisien va exploser, parce que de positions différentes. Ensuite, on a peut-être le GLH qui me paraît le plus intéressant, c'est le GLH de Lille, qui est paradoxalement, enfin qui est donc le GLH le plus mixte de l'ensemble du territoire français, mais qui lui aussi va se positionner sur ce qu'il va considérer comme des positions antiféministes. Mais peut-être de façon très différente de ce que nous on pourrait entendre aujourd'hui, et comme un peu précurseur finalement de ce du conflit qui va apparaître en 1980 autour de la revue Question Féministe et du discours que Monique Wittig va créer autour du sujet lesbiens, ou en tout cas les lesbiennes du groupe vont dire en fait nous on est fatigués du mouvement féministe parce que nos revendications elles ne sont jamais entendues, parce que nos revendications elles sont cachées, elles sont occultées, et que parler d'avortement et de contraception ça ne nous parle pas. Et donc elles vont se positionner, elles vont raconter elles vont dire qu'elles sont antiféministe pour ces raisons-là. Avec une histoire complexe à écrire, on l'entend bien, parce que ces groupes de libération sont situés un peu partout, ils prennent des positions parfois différentes. Le cours de l'histoire avait consacré une émission Archives LGBT plus Retrouver la mémoire, à laquelle vous aviez participé, hein, Antoine Hidier, à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Mathias Quéré, vos archives à vous, ces archives des groupes de libération homosexuels, existent-elles déjà? Est-ce qu'il y a des archives des groupes qui ont pu être conservés? Alors, il existe en réalité énormément d'archives, sauf que elles ne sont pas gardées dans le centre d'archives institutionnelles. C'est-à-dire que c'est d'archives privées. C'est-à-dire que pour mes recherches, principalement, au-delà de quelques centres d'archives communautaires qui peuvent en avoir à Marseille ou à Lyon, ça a été une espèce de chasse au trésor à travers tout l'Hexagone pour retrouver celles et ceux qui avaient eu la perspicacité de garder leurs archives des années 70 et 80. Et tout ceci dans une espèce de forme d'urgence, parce que ces personnes sont en train de vieillir, pour ceux qui ne sont pas morts de l'épidémie du sida. Et donc, il y a une espèce de course contre la montre qui s'est engagée pour trouver ces archives aujourd'hui, les récupérer, les conserver et les déposer dans les différents fonds qui peuvent exister, qu'ils soient institutionnels ou communautaires. Oui, Mathias Quéré, il faut être bien de le dire, hein, faut faire toujours des appels aux archives, hein, pour ceux, celles qui conservent des documents chez eux, faut mieux les donner à des centres d'archives pour que les historiens et les historiennes puissent travailler. Cette histoire des luttes homosexuelles nous conduit en 1980 à l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République et l'année suivante, 1982, mais ça y est, tout est réglé, c'est formidable, une loi qui est présentée comme la dépénalisation de l'homosexualité. L'Assemblée nationale a abrogé définitivement aujourd'hui un article du Code pénal discriminatoire pour les homosexuels. Ce texte, en effet, aggravait les peines en cas d'attentat aux mœurs commis sur un mineur si ce délit l'était par une personne du même sexe. Il faut savoir que cette disposition remonte au régime de Vichy et que son abrogation faisait partie des engagements électoraux de M. François Mitterrand. Avec nous sur ce plateau, le secrétaire général de la radio Fréquence Gay, Didier Varro. Alors Didier, je pense que cette décision est d'abord une grande satisfaction pour vous. Absolument, c'est non seulement une grande satisfaction, mais l'impression d'une grande joie justement, puisqu'après les engagements de François Mitterrand, qui avait déclaré pendant sa campagne électorale que l'homosexualité ne devait plus être considérée comme un délit, c'est une grande victoire, ça n'a pas été sans mal, il faut bien le dire. Je crois que là, il faut encore une fois rendre hommage au comité d'urgence anti-répression homosexuelle qui depuis 3 ans, même un peu plus maintenant, a fait un travail énorme, et c'est grâce à eux que cette abrogation a eu lieu aujourd'hui. Pour nous, c'est vraiment une grande, grande joie. 1982, alors, Antoine Hidier, est-ce la dépénalisation de l'homosexualité? Est-ce que cette histoire se termine là? Non, déjà la dépénalisation, hein, le terme est toujours, faut toujours utiliser entre guillemets, puisqu'il n'y avait pas, enfin c'était, il y avait une répression de l'homosexualité qui n'était pas forcément, comme j'ai tout à l'heure, une pénalisation de l'homosexualité en tant que telle. Mais il est certain que l'histoire s'arrête pas là. Hein. Dès 1982, il y a d'autres combats juridiques qui commencent. Par exemple, à Lyon, il y a un procès qui implique une femme qui a eu un enfant avec un homme. Et puis le couple hétérosexuel s'est séparé et cette femme est dans une relation lesbienne avec une autre femme. Et à partir de là, elle est menacée de se voir privée de la garde de son enfant, et son lesbianisme, son couple lesbien, est utilisé comme un motif pour la priver de la garde de l'enfant. Et par exemple, là, il y a tout un combat juridique, c'est d'ailleurs Gisèle Halimi qui est l'avocate de cette jeune femme. Des affaires comme ça, il y en a plusieurs. Il y a aussi une répression policière de l'homosexualité qui continue, puisque ce qui caractérise l'histoire de la répression dans quel que soit le domaine, c'est que la police a toujours une latitude par rapport au texte de loi, par rapport à l'application de la loi. Et donc la police continue, en ce cas, en ce qui concerne l'homosexualité, de mener des actions sur le terrain. Par exemple, à Paris, il y a encore des cas d'arrestation, de contrôle, à la fois d'ailleurs par la police, mais aussi par la brigade des parcs et jardins de la mairie de Paris, qui est accusée de mener une répression ou des arrestations particulièrement fortes. Et puis ce qui est aussi j'allais dire notable, mais le terme est pas assez fort. C'est début années 80, c'est l'apparition de l'épidémie du sida, les premiers cas de sida et ensuite toute l'ampleur que prennent tout à la fois l'épidémie, la violence, le nombre de malades puis de morts et la stigmatisation, l'homophobie. Donc les luttes homosexuelles aussi se transforment, s'adaptent, réagissent à cette épidémie. Avec l'histoire de ces groupes de libération homosexuelle, Mathias Quéré, qui, et je vous pose la même question en fait, à partir de 1982, dans un monde idéal où il n'y a plus de problème, en soi non plus de raison d'être. En fait, si tout continue, Antoine Didier vient bien de nous le dire. Tout à fait. Alors déjà, au niveau national, va y avoir une espèce de réflexion sur quelle future campagne est-ce qu'il pourrait y avoir exister pour le QR. Et la réflexion qui traverse le mouvement à ce moment-là, c'est de dire il faut maintenant travailler sur les mentalités. Et donc, pour travailler sur les mentalités, il faut absolument qu'on travaille en direction de l'audiovisuel et donc de lancer des campagnes autour de la télévision, autour de la radio, pour être de plus en plus présent et présente. Il y a un discours comme ça qui dit qu'à partir de 1982, le mouvement va comme s'effondrer, ou en tout cas va disparaître progressivement. Mais je pense que là, on a un problème d'échelle. Et probablement un problème de tropisme parisien, comme ça arrive souvent. C'est-à-dire que les années 70, on va dire que les groupes homosexuels, les GLH, s'organisaient beaucoup dans une structure locale, au niveau d'une ville. Avec le QR, le mouvement va vraiment prendre une dimension nationale pour justement faire avancer sa cause et faire transformer la législation. Et ce qui va se passer à partir de 1982, c'est que justement ce mouvement, il va revenir. Il va revenir à un niveau local. Et donc moins être apparent au niveau national, mais va y avoir une explosion des groupes, des associations dans un certain nombre de villes tout au long des années 80, en 82, 83, 84. On va avoir par exemple la naissance des premiers lieux associatifs gays-lesbiens dans des petites villes comme à Rouen, comme à Dijon, comme à Clermont-Ferrand, qui sont en réalité des espèces de centres sociaux. On va transformer le militantisme pour le faire pour qu'il ressemble davantage à quelque chose d'assistance et de soutien, et peut-être aussi plus culturel qu'il était politique à la fin des années 70 et au début des années 80. Le QAR, le comité d'urgence anti-répression homosexuelle, a toute sa raison d'être encore dans les années 1980 parce que l'urgence est toujours présente. Avec Antoine Didier, vous nous l'avez bien dit, l'épidémie du sida. Et nous voyons bien ici que se redessinent sans cesse les lignes du regard porté par les autorités sur les homosexuels et tout le monde s'en souvient, on a tous croisé ça, un regard extrêmement méfiant. C'est-à-dire que cette méfiance qui a été l'objet de tant et tant de luttes ressurgit soudain dans ces années 1980. Oui, si on veut étendre la perspective, il faut avoir en tête que ces mouvements politiques dont on parle sur les années 70 sont des mouvements à la fois extrêmement importants politiquement, pour l'histoire politique, et en même temps des mouvements relativement minoritaires en termes de nombre, voire parfois en termes d'impact sur la société. Et que aussi la transformation de toute l'homophobie qui structure une société est extrêmement longue, prend énormément de temps. Il n'est pas sûr qu'on en soit tout à fait sorti encore aujourd'hui, et que c'est aussi différentes échelles de temps, c'est-à-dire que la disparition même de la répression légale ne signifie pas la disparition de la stigmatisation et des multiples formes quotidiennes que prend l'homophobie. Évidemment, l'épidémie du sida est à un moment d'une résurgence ou d'une explosion de cette homophobie du fait d'une maladie qui touche d'abord et avant tout des homosexuels hommes. Il faut se rappeler que on parle de cancer gay, on parle d'une maladie qui touche les 4 H, homosexuels, haïtiens, héroïnomanes et hémophiles. haïtiens pour désigner par ailleurs les immigrés ou les étrangers de manière générale. Et puis que l'épidémie est remplie de multiples actes d'homophobie, des insultes, une suspicion à l'égard de la contagion que traînerait avec lui tout homosexuel. Par exemple des je sais plus dans quel pays c'est, mais même des pompiers qui refusent de faire du bouche à bouche vis-à-vis de malades du sida par crainte de la transmission. Il y avait cette idée de la salive, etc., etc. Donc voilà, cette homophobie évidemment se redéploie. D'ailleurs, vous soulignez tout à l'heure la métaphore de la contagion, hein, de la contagion homosexuelle. Avec le sida, la contagion, la métaphore se régénère ou est régénérée et se redéploie d'une autre forme aussi. Mais c'est en cela, hein, qu'on sent que cette date de 1982 n'est pas la dépénalisation, déjà parce que ce n'est pas la dépénalisation, mais surtout ce n'est pas la fin des luttes puisqu'elles continuent aujourd'hui encore. Merci vivement à tous les deux, Antoine Idier, Mathias Quéré. Antoine Idier, hein, je rappelle, hein, ces archives des mouvements LGBT+, où Résister queer, une histoire des cultures LGBTQIA+, à découvrir bientôt. Et puis merci à vous, Mathias Quéré, qui sème le vent, récolte la tapette. Une histoire des groupes de libération homosexuelle en France de 1974 à 1979. Merci vivement à tous les deux. Voici Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du comment. Comment les météorologues ont inventé les dépressions? La seconde moitié du XIXe siècle fut marquée par une série de mutations technologiques qui bouleversèrent les modalités de circulation des hommes, des marchandises et des informations. À partir des années 1860, le télégraphe devint l'un des instruments essentiels mobilisés par les services de prévision météorologique pour accélérer la circulation des données concernant le climat. C'est à ce moment-là aussi que furent mises au point, par l'Observatoire de Paris, des méthodes inédites de cartographie et d'anticipation des états atmosphériques qui se diffusèrent ensuite dans le monde entier. L'une des grandes originalités de ces innovations scientifiques fut l'identification et le suivi d'entités physiques jusqu'alors inconnues qu'on appelle les dépressions. À partir du 16 septembre 1863, le bulletin de l'Observatoire fut complété par une carte des isobares et des vents élaborée par Hippolyte Marié Davy, le chef du service météorologique international. Une partie de la communauté savante critiqua cette nouvelle méthodologie en affirmant que ces dépressions n'étaient pas des réalités physiques, mais des abstractions savantes. Marié Davy parvint néanmoins à imposer son point de vue en utilisant la fonction puissante de persuasion que remplit la cartographie quand il s'agit de fournir une preuve. Les cartes qu'il mit au point dessinaient les contours des dépressions, présentées ainsi comme des entités cohérentes et individualisées. En publiant dans le bulletin de l'Observatoire des successions de cartes, Marié Davy parvint aussi à représenter le mouvement de ces dépressions, se déplaçant dans l'atmosphère de toute l'Europe. Grâce à ces techniques cartographiques, les dépressions, qui avaient été conçues au départ comme des outils au service d'une pratique savante, furent rapidement présentées comme des phénomènes naturels. Cette mise en carte systématique des phénomènes météorologiques se généralisa au cours des années 1870 à tous les services nationaux de prévision du temps. Une nouvelle atmosphère placée sous la surveillance des grands réseaux de l'observation techno-scientifique prit ainsi naissance dans la seconde moitié du XIXe siècle. Toutefois, si l'on veut comprendre pourquoi les figures des services météorologiques représentant les dépressions nous sont devenues aussi familières, il faut évoquer une autre conséquence des bouleversements techniques qui se sont produits à la fin du XIXe siècle. Les nouveaux moyens de communication qui sont apparus à ce moment-là ont joué un rôle essentiel dans le développement de la presse de masse et dans l'accélération du tempo journalistique. C'est à ce moment-là qu'a vraiment débuté le règne de ce que nous appelons aujourd'hui l'actualité. Étant donné qu'ils devaient l'alimenter chaque jour, les journalistes s'emparèrent alors des informations fournies par les services météorologiques. les cartes isobares se multiplièrent dans les grands quotidiens, contribuant ainsi à diffuser cette nouvelle histoire du temps qu'il fait, scandée par des dépressions qui parcourent l'atmosphère pour faire régner le soleil ou le mauvais temps. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par le GLI, le groupe de libération intellectuelle formé de Jeanne Delecroix, Toscane Vudel, Jeanne Copé, Gillian Tilly et Maïwenn Guizhou. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.